À Livry, lundi au soir, printemps-été 1679. Tout est gratté, tout est tondu, tout est propre, tout est disposé à vous recevoir. Voilà votre carrosse et mes chevaux. Disposé absolument de tout ce qui est à moi, réglé, ordonné, commandé, car ma fantaisie et ma sorte d'amitié, c'est d'aimer 100 fois mieux votre volonté que la mienne, et de me trouver toujours toute disposée à suivre vos desseins. Votre fils est gaillard, et mange comme un petit démon dans l'air de cette forêt. Le bien bon vous embrasse. Pour Madame de Grignan.